Notre grâce divine, que votre temps m'habite dans sa scène, que votre temps m'habite dans sa scène. Là, mon âme. El que no se palma se la come en plata, el que no se palma se la come en plata. Divino.